Bonjour amis vierges et ascendants vierges, je suis heureuse de vous retrouver pour effectuer votre tirage de l'oracle de Béline pour vos amours concernant le mois de janvier 2024. Donc tout d'abord, je vous souhaite une très heureuse année 2024 et on va regarder quel est le conseil ou en tout cas bon, le petit message de l'oracle de Béline pour les vierges. Amour, janvier 2024, bon, on a des rapports familiaux et beaucoup d'intensité d'amour entre vous. Bon, j'ai Mars-Vénus, ça c'est beaucoup de passion, de sentiments intenses. Donc écoutez, là c'est plutôt bien parti. Mais on va voir quel est le jeu en lui-même pour avoir des détails là-dessus. Ah, il y en a deux. Donc je mets celle-là et je mets celle-là. J'en ai pris deux sans faire exprès. Et voilà. Je découvre les cartes hein, en même temps que vous. Ah, on a peur de quoi là? Ah, d'accord. Bon, alors il y a beaucoup d'amour entre vous, ça on l'a vu dans la coupe. Donc si tout allait bien au niveau de votre couple, on voit que ça revient, la famille, il y avait la famille, l'intensité des sentiments. Donc c'est très fort entre vous pour l'instant, mais il y a quand même des préoccupations financières. Et moi, je pense que vous allez craindre vraiment une perte financière, alors pour l'un ou pour l'autre, mais vous êtes unis. Méfiez-vous de tout ce qui est incident dans la maison. Ou la voiture, ou des... il y a une perte matérielle, ou alors une rentrée qui ne s'effectue pas, qui ne se fait pas, une rentrée d'argent que vous attendiez. En tout cas, il y a un problème matériel, là, qui sort pour vous au mois de janvier 2024, mais malgré tout, votre désir commun d'aller de l'avant ensemble, votre amour, Vénus, est là, vous unit et vous allez passer au-dessus du problème. Donc, ne vous inquiétez pas, ça, vos amours vont bien. Je dirais que c'est l'amour qui va être un moteur pour vous pour passer au-dessus de ce désagrément plutôt matériel. Alors, si votre couple n'allait pas, eh bien, normalement, c'est vrai que peut-être que les choses ne vont pas par rapport à un point litigieux qu'il faut mettre au clair afin de retrouver le désir entre vous, l'harmonie et le désir entre vous. Alors je crois qu'il faut absolument avoir une discussion là en ce mois de janvier, mettre les pieds dans le plat, surtout si une question matérielle ou d'ordre pratique, d'organisation aussi, ça peut être, vous gêne. Voilà, parce qu'une fois que vous aurez bien discuter de cela, et eh bien normalement vous pourriez repartir dans des élans affectueux ensemble. Et à présent, si vous êtes célibataire, eh bien bon, au départ, là moi j'ai, vous allez être assez pris de toute façon plus par vos projets plutôt pratiques, plutôt professionnels, financiers, etc. Peut-être qu'il y a des difficultés également dans les autres secteurs de votre existence qui font que l'amour, vous n'allez peut-être pas beaucoup vous en occuper. On ne peut pas toujours s'occuper de tout. Et pensez aux petites fleurs et aux pâquerettes. On a parfois des choses beaucoup plus graves dont on doit s'occuper. Mais en tout cas, vous allez continuer à charmer et vous allez voir que vous plaisez. Donc ça, ça va vous faire du bien. Donc gardez cela, cette jeunesse intérieure, gardez cet espoir parce que tout est possible avec cette carte-ci. Vraiment, ayez confiance en vous pour la suite, même si vous ne pouvez pas vraiment vous occuper de votre vie amoureuse au mois de janvier. Voilà. En tout cas, je vous souhaite un beau mois de janvier 2024.